بسم الله الرحمن الرحيم. Il en cite d'autres, Shawkani, qu'on va pas définir toutes, mais il dit l'amour de la position et de l'argent. Par exemple, c'est ce qu'on trouve aujourd'hui, on va dire, mettons une personne qui est un talib, une personne qui aura étudié. Il a étudié des années, tout ça. Il va rentrer en France, par exemple. Il sait que s'il parle de certaines choses, s'il présente la religion d'une certaine manière, il va pouvoir avoir, par exemple, une place à la mosquée, faire des cours, peut-être devenir imam, peut-être avoir touché un salaire, que les gens viennent par bus entier à ses cours. Tu vois ce que je veux dire? Mais il sait que s'il parle d'autre chose ou qu'il va développer la religion d'Allah telle qu'elle est, ben, il n'aura pas de mosquée, il n'aura personne qui le suivra, et peut-être il aura même des problèmes plus graves que cela. Ça va être difficile pour une personne de suivre le haqq dans ce cas-là, parce que il faut avoir eu la sincérité au début, et la personne peut-être il a cherché la science pour autre chose que pour Allah ou quoi que ce soit, quand il va, tu vois. Donc ça va être difficile. Shawkani, il en parle de ça. Mais il dit, Shawkani, ajib. Il dit, wa kam qad sami'na wa ra'ayna fi 'asrina min ahli. Et dit, après avoir défini ceux-là qui aiment la richesse et la position au milieu des gens, la renommée, il dit, et combien en avons-nous entendu et vu à notre temps de gens tels que ceux-là ? فَكَثِيرًا مَنَرَى الرَّجُلِ يَعْتَقِدُ فِي نَفْسِهِ اَعْتِقَادًا يُوَافِقَ الْحَقِّ وَيُطَابِقُ الصَّوَابِ. Et nous avons vu des gens qui ont une croyance, qui est en accord avec la vérité. Lorsque nous parlons avec lui, il a une croyance qui est en accord avec la vérité, etc., etc. فَإِذَا تَكَلَّمَ عِنْدَ مَنْ يُخَالِفُهُ فِي ذَلِكَ وَيَمِيلُ إِلَى شَيْءٍ مِنَ الْبِدْعَةِ فَلَا أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ الرِّئَاسَةِ مَنْ بِيَدِهِ شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا فَلَا أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُلُوكِ وَافَقَهُ وَسَاعَدَهُ وَسَانَدَهُ وَعَادَدَهُ. Donc ça, comme s'il parlait de notre temps. Il dit, si jamais cette personne-là qui a une croyance en accord avec la vérité, il parle avec quelqu'un qui s'oppose à lui en cela et qui est orienté vers l'innovation, surtout si cette personne fait partie des gens de position, des dirigeants, des gens de l'autorité, ou qui a une partie de la dunya entre ses mains, c'est-à-dire quelqu'un qui a une richesse, ou carrément qui est parmi les rois, alors là, il va se mettre en accord avec lui, dans le mensonge, il va l'aider, et il va le prendre, s'allier à lui, et le prendre comme allié, et le secourir. C'est exactement ce qu'on voit à notre époque. Combien de soi-disant ulama, quand tu parles avec eux en privé, il va te dire qu'il est d'accord avec toi, que ces gens-là, c'est des koufars, que je ne sais pas quoi. Et si jamais, en public, par peur, on comprend, la peur, c'est un sentiment humain, il se retrouvera, il va dire exactement le contraire. Non, on ne lui demande pas de dire la vérité jusqu'à ce qu'il soit quoi que ce soit. Ce qu'on lui demande, c'est au moins de se taire, de ne pas dire le mensonge. C'est tout. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit. Parmi les causes, bon, ici, Shawkani, on va faire avec un résumé. Parmi les causes qui fait que la personne va délaisser l'objectivité, ce qui arrive entre les gens de science, parmi El Jidel, hein, le fait de diverger, comment on pourrait traduire ça, le fait de diverger, le fait d'être en discorde tout le temps et de faire des choses comme ça. Ça, c'est une des causes qui fait que les gens vont délaisser l'objectivité. Parmi les choses qui les causes du fanatisme, et il dit al mahaqatu li barakat al ilm, qui anéantit la bénédiction de la science. C'est qu'une personne, par exemple, un étudiant en science, il ait un avis sur une question. Que cet avis, les gens le connaissent et qu'il soit répandu. Telle personne, il a cet avis sur telle question. Mais finalement, il s'aperçoit, après demander à Allah et après avoir étudié, qu'il était dans le faux sur cette question-là. Mais ça va être très difficile pour lui de revenir vers la vérité. Pourquoi ? Parce que les gens, ils vont dire, telle personne, il disait ça, après il dit ça, alors que s'il faut sincèrement, il a trouvé le haqq sur cette question-là. C'est une question qui va faire que les gens vont délaisser l'objectivité. On voit, subhanallah, comment les savants... on va citer le dernier parce qu'il est très très très très important. Et mashallah, on voit la science de Shawkani, comment les savants, ils analysent en même temps les textes de la charia, ils analysent la nature humaine. Ils connaissent la nature humaine. Dans ce sens-là, ils savent les manières. Et toutes ces choses-là, bien sûr, elles ont des bases dans le Coran. On le voit. Lorsque les Quraysh disaient, non, les gens du livre, pardon, ils disaient au Muhammad, voilà, tu'minu illa liman taba'a dinakum. Et ne croyez que ceux qui suivent votre religion. Ta'assub. Comme les gens ils te disent aujourd'hui, tu ne prends que des malikites, par exemple. Dans le fiqh, pas très grave. Mais tu dis, par exemple, ne prends que de tel savant. Même si, on ne prend que de Rabi al-Madkhali, il faut que tu prennes que de lui. Si tu prends de l'autre que lui, etc., etc. Il dit, ça on va le citer en dernier, inshallah, parce que c'est très important. Il dit, وَمِنَ الْأَفَاتَ الْمَانِعَ عَنَ الرُّجُوعِ إِلَى الْحَقِّ. Il dit, parmi les causes qui interdisent à la personne ou qui empêchent la personne de revenir vers la vérité, أن يكون المتكلم بالحق حدث السن بنسبة إلى ما يناظر أو قليل العلم. Que celui qui parle avec la vérité soit plus jeune que celui auquel il s'oppose ou qu'il ait moins de science que lui. Ça, subhanallah, c'est quelque chose qu'on voit à notre époque. On peut trouver que quelqu'un qui n'a pas beaucoup de science, Allah Azza wa Jal, il lui a ouvert sur cette question-là. Et une personne qui aura plus de science que lui, ça va être très difficile pour lui de voir que son arabe est difficile, que peut-être il n'a pas étudié ou quoi que ce soit, mais que sur cette question-là, les preuves sont avec lui, il est sur le haq. Ça va demander beaucoup d'objectivité, de délaisser le fanatisme, de suivre une telle personne. Ou le fait que les gens n'arrivent pas à comprendre, à dire, mais tel savant, comment ça se fait qu'il soit égaré? Il a étudié pendant des années, c'est un savant, hein, hein. Pourquoi il est égaré et vous qui n'avez pas beaucoup de science, vous êtes arrivé à avoir son égarement comme ça. Bon déjà, sur ces questions-là, en général, quand on trouve l'égarement d'un savant connu à notre époque, c'est parce que des savants eux-mêmes, des gens de science, même s'ils ne sont pas aussi connus que l'autre, ont montré son égarement. Et deuxièmement, alhamdoulilah, on connaît les hommes par la vérité et par la vérité par les hommes. Parmi les causes de la guider vers la vérité. Sixième cause, c'est peut-être la plus grande cause. Tiba' al-kitab al-aziz fi usuluddin. Le fait que dans les bases de la religion, dans ce que l'homme doit connaître de sa croyance, particulièrement usuluddin, la base de la religion, le fondement de la religion par lequel la personne n'est pas musulmane, s'il délaisse une de ces choses, même s'il est le plus ignorant des hommes. Tiba' al-kitab al-aziz, le fait de suivre le livre d'Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, le livre d'Allah est clair, sans aucune équivoque sur ces questions-là. Une personne qui, en toute objectivité, et qui aura délaissé tout fanatisme, qui va lire le Coran, Al-Karim, sera bien guidé au niveau des bases de la religion. Il va savoir qui est le musulman, qui est le mushrik, quel est le droit d'Allah, Azza wa Jal, avec qui il doit s'allier, à qui il doit se désavouer, que Allah, Azza wa Jal, est le seul législateur, que Allah est le seul pourvoyeur, que c'est Allah qui doit être invoqué seul, qu'on doit sacrifier pour Allah seul, qu'on doit se prosterner devant Allah seul. Ces choses-là, il va les connaître. Il va connaître les attributs d'Allah Azza wa Jal. Il va savoir qu'Allah est au-dessus de sa création. Il va savoir que rien ne ressemble à Allah, qu'il est celui qui entend et qui voit. Ces choses-là, qui font partie de la base de la religion, il va les connaître par le livre d'Allah, par la méditation du livre d'Allah. Donc, toute personne qui cherche la vérité, la première chose, après les choses qu'on vient de citer, c'est tout simplement se tourner vers le livre de son Seigneur et le lire et l'étudier. Le lire et l'étudier chaque jour pour qu'il soit bien guidé sur les questions de la religion. Parmi les preuves de cela, on peut citer le verset dans Surat Hud, lorsqu'Allah Azza wa Jal il a dit Alif Lam Ra, Kitab Uhkimat Ayatuhum Thumma Fussilat Min Ladun Hakimin Khabir. Alla ta'budu illa Allah innani lakum minhu nadhirun wa bashir. Allah il a dit Azza wa Jal, Alif Lam Ra, c'est un livre dont les versets sont parfaits en style et en sens, émanant d'un sage parfaitement connaisseur. Donc Allah Azza wa Jal nous a décrit son livre en disant Uhkimat ayatu thumma fussilat. Ils ont été explicités ces versets de la part d'Allah Azza wa Jal. Et ensuite le verset qui vient après, à quoi appelle ce livre? Il nous dit quoi? Allah ta'budu illallah. Et n'adorer que Allah. Voilà. Ce livre-là, c'est un livre de tawhid. N'adorer qu'Allah. Si la personne ici sait ce que ça veut dire adorer Allah, que l'adoration d'Allah implique qu'on croit que c'est le seul créateur, le seul pourvoyeur, qu'on lui donne toute l'invocation, qu'on invoque que lui, qu'on craint que lui, qu'on espère que lui, qu'on se tourne que vers lui en cas de difficulté. Qui sait que ça implique qu'Allah Azza wa Jalla est le seul législateur? Qui sait que ça implique qu'on doit revenir à sa législation en cas de désaccord? Que l'adoration, ça veut dire ça. Que l'adoration, ça veut dire la soumission et l'obéissance. Que l'adoration, ça veut dire l'humiliation devant Allah, son amour et sa crainte. S'il sait le sens de « La ta'budu illallah » et qu'il sait que le fait que la négation vienne avant, n'adorez pas d'autre qu'Allah, ça veut dire qu'il faut se désavouer de ce qui est adoré en dehors d'Allah, il aura compris à ce moment-là, par un verset du Coran. Et d'autres versets dans ce sens-là, de nombreux versets dans ce sens-là, des pages entières de versets dans ce sens-là d'ailleurs. Parce qu'Allah Azza wa Jalla a dit au début de Surat Al-A'raf, « Kitabun unzila ilayk » فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. Parce qu'Allah il a dit, Azza wa Jal, c'est un livre qui t'a été descendu, qui n'y a à son sujet nul gêne dans ton cœur, afin que par cela tu avertisses et qu'il soit un rappel aux croyants. Ce livre-là, c'est le rappel aux croyants. Et ensuite il a dit quoi? اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. Suivez ce qui vous a été descendu de votre Seigneur. C'est-à-dire suivre la révélation dans la religion. Et ensuite, il dit quoi ? Voilà, tattabi'u min dunihi awliya, et ne suivez pas d'autres alliés que lui. C'est-à-dire laissez le suivi aveugle et suivez la révélation en cela et revenez à la législation d'Allah Azza wa Jalla en toute chose. Qalila ma tadhakkarun, etc., etc. On pourrait citer de nombreux versets. Dans ce qui me sert de base dans cette introduction, il a cité de nombreux versets. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au début de sa révélation, et lors de la période mécoise, il faisait da'wah au Quraysh par le Coran. C'est par le Coran qu'il les appelait, en leur récitant le Coran. Malheureusement, l'arabe n'est pas la langue qui est utilisée dans notre environnement, mais dans un pays, par exemple, les gens comprendraient la langue du Coran, sur certaines questions, les versets du Coran suffisent. Parce que Allah dit à eux الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم. Parce qu'Allah dit ô vous qui croyez, ne prenez pas les juifs ou les chrétiens comme alliés, ils sont alliés les uns des autres, et celui d'entre vous qui les prend pour alliés, il est l'un des leurs. Ce verset il est clair, il n'y a aucune équivoque. Maintenant ils veulent mettre des équivoques. Non, il faut qu'ils croient que la religion de ceux qui prend pour alliés est meilleure que sa propre religion, etc., etc. Non, Allah il a dit celui qui les prend pour alliés, il est l'un des leurs. Celui qui prend pour allié n'importe quelle catégorie de kuffar, de mécréants, que ce soit des kuffar asliyin, des mécréants de base, kuffar murtaddin, des mécréants associateurs, etc., qui les prend pour alliés, soit qu'il les considère comme musulmans, soit qu'il les aide contre les musulmans, soit qu'il combat dans leur sentier, etc., etc., il fait partie d'eux. Il est l'un des leurs. Une règle générale que toute personne douée de raison peut comprendre. Alhamdulillah, par le Coran. Etc. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit. Et certes, les mosquées n'appartiennent qu'à Allah. Et n'invoquez pas avec Allah d'autres que lui. Clairement, la personne a compris qu'elle n'invoque pas les habitants des tombes. Elle ne doit pas invoquer Abdel Qadir. Elle n'invoque que Allah Azza wa Jal. Lorsqu'Allah il définit ce qui est interdit par la nourriture, il dit Wa ma uhilla li ghayrillah, et ce qui est sacrifié pour un autre qu'Allah. Et c'est très bien qu'il ne devra pas sacrifier pour les djinns. Sacrifie que pour Allah Azza wa Jal. Fasalli rabbika wanhar, et prie pour ton Seigneur et sacrifie. Et c'est très bien que la prière et le sacrifice sont deux adorations qui doivent être exclusivement données à Allah Azza wa Jal. Par le Coran, le tawhid est la base de la religion est compréhensible. Malheureusement, l'égarement est des causes de l'un, et les gens qui font tahrif al-kitab, qui falsifient le livre, enfin qui ne falsifient pas le livre en tant que tel, qui falsifient la compréhension du livre auprès des gens, ont fait que les gens se sont écartés de la guidée du Coran dans ces questions-là. C'est pour cela que Quraysh, comme c'est venu dans Surat Fussilat, quand ils se parlaient entre eux, ils disaient quoi ? وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. Et les gens et ceux qui ont mécru disent n'écoutez pas ce Coran. C'est comment dire comme ils font aujourd'hui les comment ça s'appelle, quand ils se réunissent pour faire des trucs, comment on va arrêter la da'wa, comment on va arrêter l'islam, pour ça Quraysh faisait pareil. Leur premier commandement c'est quoi ? N'écoutez pas ce Coran. Si vous écoutez ce Coran, suffit que la personne ait un peu de sincérité dans son cœur, elle trouve le style, elle trouve le... Ça va aller. Et aujourd'hui, le tawarit, à notre époque, ils utilisent les mêmes choses. Ils vont trouver des gens qui s'opposent à ce Coran.